Le filleul, récit sibérien, par Dimitri Mamine Sibiriak. Chapitre 1er. Vaska reparut. Alexandre Ivanitch. Ah, le misérable! Il s'est encore échappé du bagne. Il a été vu, la besace au dos, dans un sentier écarté. Et il a eu l'audace de crier de loin aux paysans « Ne manquez pas d'aller saluer mon parrain de ma part !» Oui, il en a un toupet, ce Vaska. Le brigand. Ainsi l'a dit son parrain. Oui, il l'a dit. Alors pourquoi ne vous emparez-vous pas de ce drôle? S'écrie Alexandre Ivanitch en caressant sa longue barbe d'un air irrité. Ah, voilà, Alexandre Ivanitch. Si c'était nous autres de l'usine, nous l'aurions pour sûr empoigné, mais ces paysans. Qui sait, disent-ils, ce que ce Vaska a dans la tête? Il ne faut pas être un homme ordinaire pour s'échapper ainsi du bagne. Les idiots! Vous savez bien ce que sont les paysans, Alexandre Ivanitch. Et puis, des femmes occupées à la fenaison l'ont aussi reconnu. Il leur a demandé du pain, parce que, naturellement, il était exténué par ses longues courses. Un forçat, ça ne connaît ni la nuit ni le jour. C'est une bête des forêts. Et les femmes, on le sait bien, tremblent comme des brebis égarées dans les bois. Elles donneront tout, pourvu qu'on ne les touche pas. Un être vivant craint la mort, n'est-ce pas, Alexandre Ivanitch? Cet entretien avait lieu de bon matin chez le commissaire de police, Alexandre Ivanitch, assis en robe de chambre dans son cabinet, la pipe à la main et buvant son thé. De haute taille, fortement charpenté, avec de gros yeux saillants de couleur indécise, le commissaire jouissait d'une grande popularité dans son district et passait pour un homme d'exécution et très énergique. Sa devise favorite était qu'il fallait toujours frapper le loup en pleine gueule. Et précisément, il ressemblait à un loup, surtout par sa tête osseuse, au front large, aux cheveux très courts taillés en brosse, au museau allongé, comme s'il reniflait toujours une piste. Celui qui venait lui rendre compte du retour de Vaska était un garde forestier à cheval employé à l'usine, homme trapu aux jambes torses, du nom de Kroustalev. Il était en uniforme, c'est-à-dire en demi-caftan gris, avec une ceinture rouge et une plaque de cuivre, insigne de sa profession. Sa petite tête blonde, aux yeux minuscules toujours clignotants, était emmanchée sur de larges épaules et l'on eût dit que ses bras démesurément longs étaient le résultat d'un emprunt fait à un autre. « Eh bien, où veux-tu en venir ?» demanda en bourrant sa pipe Alexandre Ivanitch d'une voix enrouée. « Voilà, je suis venu vous faire mon rapport, Alexandre Ivanitch, parce que c'est une affaire grave et on sait bien que dans des cas semblables... Mais n'as-tu pas un chef? C'est à lui que tu dois t'adresser. » Ils veulent être plus habiles que moi, eh bien qu'ils prennent Vaska. Tous vos gens de l'usine font les malins, et surtout le nouveau juge d'instruction. Moi et eux, ça fait deux, qu'ils agissent donc à leur idée. Mais moi, Alexandre Ivanitch, je ne suis pas venu à cause de Vaska, car votre habileté est bien connue. Tu es idiot, Kroustalev, s'écria le commissaire furieux, en le menaçant de sa pipe. Fiche le camp d'ici et va dire à tous les chefs de l'usine qu'ils sont des imbéciles. Entraîné par l'habitude, Alexandre Ivanitch élevait la voix, et c'est avec accompagnement de coups de pied qu'il flanqua dehors le forestier. Celui-ci se précipita dans la rue sans chapeau et resta longtemps à frotter d'un geste mécanique sa petite tête, comme si on venait de l'arroser d'eau froide. Cette petite scène avait sa cause dans les malentendus qui s'étaient élevés entre le commissaire et l'administration de l'usine Ensky. Depuis 15 ans, Alexandre Ivanitch remplissait les fonctions de commissaire de police dans l'établissement d'Ensky, dont le directeur lui payait un traitement et l'avait, à plus d'une reprise, chaudement remercié de l'énergie qu'il déployait dans ses fonctions. Le gouverneur de la province appréciait aussi le commentaire, qu'il appelait familièrement Alexandre Ivanitch et qu'il proposait en exemple à tous ses collègues de l'oral. Certes, Alexandre Ivanitch avait ses petits défauts, ne fût-ce que de frapper toujours le loup en pleine gueule, mais l'autorité fermait les yeux avec complaisance. D'autre part, l'établissement d'Ensky possédait une administration entièrement organisée, et quelle énorme administration, qui de tout temps avait été d'accord avec tous les commissaires et avec le dernier en particulier. La situation paraissait donc bonne pour lui, mais l'ennemi du genre humain est bien rusé, et il trouva moyen de souffler la discorde entre les deux parties. La chose se produisit le jour de la fête de Zikov, l'intendant de l'usine. Alexandre Ivanitch, qui se trouvait ce jour-là dans les meilleures dispositions d'esprit, fut, en qualité de personnage honorable, appelé à jouer au whist avec le héros de la fête et le nouveau juge d'instruction, Golubchikov. C'était encore un tout jeune homme qui affectait de se tenir sur une grande réserve et de traiter de haut Alexandre Ivanitch, à ce qu'il semblait du moins à ce dernier. Ce n'était sans doute qu'une illusion, mais elle suffit à lui inspirer un commencement d'irritation. L'incident suivant mit le feu aux poudres. Alexandre Ivanitch, qui au jeu était l'adversaire de Golubchikov, vint s'écrier, selon son habitude, quand il avait à jouer le valet de carreau. « Maintenant nous lâchons le vagabond sans papier de famille. » Le sans-famille fut pris par Golubchikov, qui remarqua perfidement. « Hé, Alexandre Ivanitch, il me semble que l'affaire des vagabonds ne vous regarde pas. Ils ne paraissent pas vous réussir. »« Comment cela ne me regarde pas? Qu'est-ce à dire, jeune homme ?» Des gros mots furent échangés. Le maître de la maison se mêla de la querelle, et dans son désir de réconcilier les adversaires, gâta définitivement les choses. Le commissaire attendit cependant la fin de la soirée, mais après des adieux très froids, se retira le cœur ulcéré, plein de l'idée qu'on voulait le remplacer par un gamin, un blanc-bec, lui, Alexandre Ivanitch. De son côté, Zhikov resta très mécontent. Il n'était pour rien là-dedans. Était-ce sa faute si les officieux avaient répété à Alexandre Ivanitch que le jeune juge d'instruction se vantait qu'il se passerait bien de lui en disant que ce n'était pas bien malin d'arrêter des vagabonds? Aussi le retour de Vaska avait-il renouvelé cette querelle domestique, et c'est pourquoi, au départ de Krustalev, Alexandre Ivanitch se frottait les mains de contentement. « Nous allons voir un peu si Zhikov et Golubchikov sauront attraper Vaska, » répéta-t-il en lançant au plafond la fumée de sa pipe. « Nous verrons bien. »